besoin de partir loin, faire un vide, besoin d'une thérapie et de la rapper, besoin de sous car j'ai plus un radis, besoin de vivre, de respirer l'air pur. Tu sais, on se crée ici, y'a trop de choses qui me perturbent. Besoin de pédave, faut que je tire une taf. Je mets des rires dans mes chansons, sinon je me tire une balle. Besoin de parler, je me tête devant la daronne. Tu peux pas reprocher un MC d'être ta moule à un parole. Besoin de dénoncer le système. Mère patrie, je te fais flipper, mais n'oublie pas que ton fils t'aime. Besoin d'être authentique, d'esquiver la tempête. Mais pas besoin d'autant de flics pour faire avancer mon enquête. Besoin de croisière, de lune de miel. Besoin de changer de meuf, je me suis trompé sur la mienne. Niveau cœur, faudrait ralentir mon pouls. Besoin de souffler un bon coup, d'ôter la corde à mon cou. Besoin de passer un cap, besoin de potes à l'écoute, mais de toute manière ils te quittent tous sans de ces caps. Besoin de la famille, celle qui me veut du bien au quotidien, je t'assure c'est mieux qu'un ami. Besoin de rester pieux, de croire en Dieu, besoin d'imager le futur, de me voir en vieux. Besoin des autres pour changer la terre, seul on ne fait ni la paire ni la paix. Besoin qu'on me retire de la case extrémiste, anticiper la case, j'm'en sors tout le temps in extremis. Besoin de m'écarter des pinces, tu verras un âge. Que c'est souvent les rares qu'on font tout un fromage. Besoin de faire chose qu'elle, pas que des choses belles. Coucher les jaloux avec mon art en guise de grosses belles. Besoin d'être fort, besoin d'un moral en pierre. Ils n'ont pas une dent contre moi, mais une mâchoire entière. J'ai besoin de me pencher, je me suis trop senti laissé. De parler, vider mon sac, me sentir léger. J'ai besoin d'avancer, de me remettre en cause. De changer de taf, vu que le mien rapporte pas grand chose. J'ai besoin de me pencher, je me suis trop senti laissé. De parler, vider mon sac, me sentir léger. J'ai besoin d'avancer, de me remettre en cause. De changer de taf, vu que le mien rapporte pas grand chose. Besoin de vider une bouteille, d'abuser de la sombre. Besoin de me changer les idées car les miennes sont noires. Besoin de rencontrer une petite Salma Hayek. Malheureusement les bêtes de meufs ne s'arrêtent pas quand t'as yes. De voir la vie en grand et pas en mini. Et Inch'Allah c'est imminent que je roule en Lamborghini. Besoin d'oseille et du cash pour cet hiver. Besoin de sommeil et de hache en guise de somnifère. Des fois je me laisse aller et le pire c'est que je m'en rends compte. Putain c'est grave, comment la routine ça rend con. Besoin du pays, j'en ai le cœur qui palpite. De voir le bled et de faire un coucou à Khaltil. Besoin que les ta français arrête de nous plumer. Besoin de changer d'air, par ici ça sent trop la fumée. Besoin d'un bol d'air quand je suis dans le coltard. Besoin de mettre la barre très haute parce que ça vole pas. Besoin que ça déchire, c'est pour ça que je cherche de rapper nuit et jour et qu'on dise que j'aime. Besoin de me débarrasser de ces étiquettes qu'on a pas cessé de me coller, normal que j'ai les plombs qui pètent. J'ai besoin de me pencher, je me suis trop senti laissé. De parler, vider mon sac, me sentir léger. J'ai besoin d'avancer, de me remettre en cause. De changer de taf, vu que le mien rapporte pas grand chose. J'ai besoin d'un nouveau portable au prix abordable. Mais pas besoin d'un portable, même si tous en sont morgames. Besoin d'une carte car tous les coups sont permis. J'avais besoin de le dire, là j'ai besoin que ça se termine.